Join me on R.I.G. R.I.G. Oh, la marché, c'est un contrôleur de l'exo. R.I.G. 90.7. Ne cherchez plus, c'est 90.7. Ne cherchez plus. Comme on peut, je fais oui parce que ça me fait rire. Bonsoir à tous, c'est Thierry Gallet, j'espère que vous allez bien. On est ensemble jusqu'à 22h et un petit peu dépassé parce que je sais qu'Eric n'est pas là ce soir, donc on va en profiter. J'ai fait une playlist un poil plus longue a priori, et donc si on dépasse un tout petit peu, ça ne sera pas très grave. J'ai 31 chansons au compteur, je vous donne les 5 premières. L'album de la semaine d'abord. L'album de la semaine, c'est l'album Time Takes Time de Ringo Starr en 1992. Un très bon album. On écoutera Runaways, on écoutera Weight of the Words, c'était obligatoire. Don't Go Where the Roads Don't Go, ça va vous plaire. In a Heartbeat, chanson très Beatlesienne, si on peut le dire comme ça. Également avec What Goes Around, je trouve que si c'était sorti du temps des Beatles, ça n'aurait pas surpris qui que ce soit. Et il y aura également After All These Years pour Lennon. Il y aura par exemple Instant Karma, le single de 1970, qui mettra les bases sur le style de John Lennon après les Beatles. Et il y aura également Dance Tonight, oui, j'ai décidé de ne pas faire forcément 1970 cette fois-ci en début d'émission. Dance Tonight, la bonne chanson de l'album Memory Almost Full de 2007 de Paul McCartney. George Harrison nous chantera Unconsciousness Rules, la chanson qui en dit long sur ce qu'il pensait du business, puisque en 1981 pour l'album Summer in England, on lui a rejeté 4 chansons, on lui a dit « Allez, il faut faire un petit peu plus dans le vent, à toi de bosser un petit peu ». Il a bossé un petit peu et il a fait une chanson acide, celle-ci, et également « Blood from a Clone ». Ils veulent du sang d'un clone. C'était une attaque gentille, très à la Harrison, du monde actuel. Pour les Beatles, ce sera « Little Child ». Voilà, je vous convie à aller sur le groupe « La Saga des Fab Four » sur Facebook, de façon à ce que l'on puisse causer ensemble. C'est le petit poste qui est tout en haut. Pour le reste, vous nous écoutez sur 90.7 si vous êtes en FM et sur www.rigfm.fr si vous êtes sur Bordeaux ou dans le reste du monde, mais surtout sur Internet. Je vous souhaite une bonne soirée. On commence avec Ringo Starr, extrait de l'album Time Takes Time, le temps prend du temps. Runaways sur RIG. Bonne soirée. There's a runaway. The lights go down, the world goes rushing in. Neon light takes the place of death. Stars like dust are falling. Inside there's a loneliness. The demon tries to charm you with his smile. No time to dream or rest. In the caves of steel, faces are changing. Faster than they can, they're the runaways. On the street, the traffic dies. The break of day, it always comes too soon. Running out of reasons why. All your life, you blamed it on the moon. Look out for the danger sign. You're stealing time, but you know you'll never win. Another borderline. In the case of steel. faster than you can ever run away. Chase the dreams away. The cold night reflects the way you feel. It's just another town. It's just one more night to kill. All the streets are empty now. Like the wolf, you'll walk this night alone. And in some other world, in the caves of steel, faces are changing. Time Takes Time est le 10e album studio de l'ancien batteur des Beatles Ringo Starr, sorti le 22 mai 1992. Il est une charnière dans sa discographie. Après des années 80 dramatiques, désastreuses pour Ringo, échec commercial de ses albums, alcoolisme, il se remet en selle au début des années 90 grâce à son All Star Band, avec lequel il remonte sur scène et sort son premier album live. Il en profite aussi pour sortir un nouvel album studio, Time Takes Time, qui contient des pistes enregistrées ça et là durant l'année 1991. Et le termine en février 1992. L'album se vend moyennement, mais la critique le salue. À noter la présence au tambourin sur Golden Blunders de Peter Asher du duo Peter and Gordon dans les années 60. C'est eux qui chantaient A World Without Love, écrite par Paul McCartney et crédité Lennon-McCartney. Peter était aussi le frère de Jan Asher, l'ex-petit ami de Paul McCartney. Voilà ce qu'on pouvait dire dans un premier temps sur cet album et cette chanson. Karma's gonna get you, gonna knock you right on the head. You better get yourself together, pretty soon you're gonna be dead. By the face, better get yourself together, darling. Join the human race. Your brothers, everyone you meet.

boy, get you back again. This boy. Animateur radio, un homme et le The Beatles. Chers auditeurs, nous pouvons l'écouter. Nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de partager cette passion avec le Beatlesman. Thierry Gallet est devenu cet homme. Passionnant. Passionné. En un mot, le meilleur. L'homme qui aimait les Beatles. Sur RIG, la saga des Fab Four. I got something to say that might cause you pain. If I catch you talking to that boy again, I'm gonna let you down. Tell you one more time, I think it's a sin. I think I let you down. Nous avons entendu This Boy, la face B de I Want to Hold Your Hand, le single de 1963. Une face B, enfin plutôt une chanson This Boy qui a été difficile à mettre en œuvre puisque c'est une fois This Boy, une fois That Boy, enfin ça dépend des moments. Et on a l'exemple où il se trompe et il rigole parce qu'il n'arrive pas à se rappeler quand il faut le dire, à quel moment il faut le dire. Bon voilà. Et You Can Do That, extrait de l'album Hard Day's Night, sorti dans cette si belle année. 1964. Il paraît que des légendes sont nées en 1964. Je vous propose un John Lennon qui envoie vraiment du bois. Donc je vous propose de monter le son. C'est « You don't know what you got until you lose it ». Le titre réel, c'est « What you got », tout simplement. C'est John Lennon en 1974 sur « Walls and Bridges ». Le son au maximum, on va hurler. I'm la gorge de hurler cette chanson avec John Lennon. J'adore. C'était pendant son grand Lost Weekend, qui a duré quand même quasiment une année, pendant lesquels Yoko Ono était à New York et lui était de l'autre côté de l'Amérique, du côté de la côte ouest, en train de boire la plupart du temps et en train de presque rien faire. Et ça lui a manqué, le Yoko lui a manqué. Eh bien écoutez, ça peut arriver parce que le fait qu'ils aient été amoureux tous les deux, je le respecte. Je n'aime pas Yoko Ono en tant qu'artiste, mais qu'elle ait été la muse de John Lennon, ça ne me dérange pas. Au contraire, tant mieux pour lui. Et je vous propose en 1963, ce medley que vous me réclamez régulièrement et que j'ai du mal à passer parce qu'il dure plus de 11 minutes. Sur l'album Red Rose Speedway de Paul McCartney, voici Hold Me Tight, Lazy Dynamite, Hands of Love, Power Cut, comme presque seul Paul McCartney sait le faire. Dynamite. maybe a power cut and the candles burn down low. But something inside of me says the bad news isn't so. Chansons différentes reliées ensemble et à la fin un final qui relie tous les solos des quatre chansons ensemble et on s'aperçoit que ça colle très très bien. C'est l'art de Paul McCartney, qu'est-ce qu'il est doué. Vous savez que c'est mon préféré, je vous l'ai peut-être jamais dit. Vous êtes bien sur RIG 90.7, c'est la radio des Beatles, c'est la saga des Fab Four, une émission qui a été créée en 1984 par moi, votre serviteur, et j'espère que je serai encore là pendant un petit moment pour continuer à animer cette émission-là. Tant que vous, d'ailleurs, vous serez là sur Internet et sur 90.7, eh bien, j'espère continuer à être sur cette radio. Voilà, je vous propose l'album de la semaine avec cette chanson qui est bien enlevée de Ringo Starr sur l'album Time Takes Time. Don't go where the roads don't go, ne va pas là où les routes ne vont pas. Et oui, c'est un conseil. RIG. RIG 90.7, la radio des Beatles. You tell lies thinking I can't see. You can't cry cause you're laughing at me. I'm down. When you know I'm down, how can you laugh? When you know I'm down, man buys ring, woman throws it away. Same old thing happen every day. I'm down, I'm really down. I'm down, down on the ground. I'm down, I'm really down. How can you laugh when you know I'm down? How can you laugh when you know? Cette chanson s'est précipitée, elle est arrivée en avance, j'allais parler et j'ai effleuré un bouton qui a fait changer la chanson. Donc vous avez entendu le début de She's a Woman que vous allez réentendre dans quelques secondes. She's a Woman, c'est la phase B de I Feel Fine en 64 et à l'instant c'était I'm Down, la phase B du single Help en 1965. Voici She's a Woman en entier. Thank you. Country Rock, ça fait du bien le mercredi soir entre 20h et 22h. J'ai envie de vous passer une chanson supplémentaire de Le Don't Be Cruel, chantée par Ringo Starr, parce que vous m'en avez parlé sur le groupe Facebook. Et comme on a le temps ce soir, je pense qu'on va le programmer tout à l'heure. Pour l'instant, je vous propose la chanson que John Lennon... Alors, ce n'est pas une chanson de John Lennon, mais il en a fait un guide vocal pour son ami Ringo Starr en 74, puisqu'il avait repris la chanson Only You. Voici John qui le chante sur l'anthologie 4 Dakota, sortie en 1998. Cadeau de l'animateur, extrait des mêmes sessions Weight of the World, c'était sur un 45 tours cette année-là, en 1992. Voici Don't Be Cruel, Ringo, qui s'en sort très très très bien. Don't be cruel. cool to a heart that's true. Don't be cruel to a heart that's true. I don't want to know all the love. Maybe it's still you I'm thinking of. C'est la saga. Bernard sur Facebook dit « Georges a fait vraiment des chansons magiques ». Je suis bien d'accord, cet extrait de « Extra Texture, Read All About It » de 1975, et c'était George Harrison. « The answer's at the end », la réponse est à la fin. On revient sur l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est « Time Takes Time », sorti en 1992 par Ringo Starr. Je vous propose une chanson qui, je trouve, fait très Beatles. C'est « In a Heartbeat » sur RIG. Turn around for you. I'll do whatever I can do. If you ever need someone, cette chanson. On écoutera une autre également qui c'est What Goes Around qui sonne pas mal Beatles, je trouve aussi. Et puisqu'on parle des Beatles, écoutons-les en tant que cover. Je croyais qu'on allait les écouter deux fois. En fait, oui. Je vais vous proposer la cover. Vous savez très bien, c'est une chanson qui est chantée par John, Paul, Ringo, George, que ce soit avec les Beatles ou en solo. Et si cette chanson est reprise par quelqu'un, même si eux d'ailleurs faisaient la reprise d'une chanson de Chuck Berry, par exemple, quelque chose comme ça. Du moment que eux l'ont chantée, si vous la chantez, si un artiste l'a chantée, eh bien c'est la cover. Or, la semaine dernière, je suis allé dans la crêperie de Talence, qui s'appelle Twist and Crepe. Vous savez, celle qui est au motif Beatles et qui écoute la saga des Fab Four tous les mercredis entre 20h et 22h. Bonsoir tout le monde, c'est Thierry, j'espère que vous allez bien. Je veux vous proposer un groupe que j'ai entendu très récemment, ça s'appelle Marry Me, 60s Cover Group. Ils font une reprise de I Want To Hold Your Hand. Je l'ai entendu cette soirée-là lorsque je suis allé à la crêperie. Et je vais vous proposer la version de Marry Me, donc un groupe bordelais, et la version des Beatles juste derrière. La voici sur RIG. Saga des Fab Four, c'est sur RIG. que la cover faite par le groupe Marry Me vaut le coup quand même. Surtout que nous, on l'a entendu, il n'était que deux, avec chacun une guitare, c'est tout. Là, on a entendu pour l'enregistrement, il y avait un peu plus d'instruments, mais à peine, à peine. Et c'est donc très très très bien la cover. Merci le groupe Marry Me. J'espère qu'on vous reverra à la crêperie Twist and Shout, parce que c'était vraiment très très très bien. Voici Paul. Je vous ai promis deux medleys en début de soirée. Voici le deuxième medley, extrait du dernier album, l'album Egypt Station. Le titre du morceau, c'est Hunt You Down, Naked et Ceiling sur RIG. Ça, c'est pour ceux qui n'auraient pas compris. Allez, on monte le son encore une fois. We'll be right back.

Let's go. Back, back, back. Please, please me sur l'album Please, please me with Love Me Do and 12 other songs en 1963. Love you all the time. Cash, ou propose souvent la version de l'anthologie que j'aime aussi, qui est différente. Et là, je voulais vous proposer la version de Beatles for Sale, la version que tout le monde connaît, sortie en 1964. Voici John Lennon. Vous le retrouvez sur le remix de 2018 de Imagine. Voici Well, Baby, Please Don't Go, mais la version studio. Franchement, sans les hurlements de Yoko qu'on entend dans la version live, c'est beaucoup plus agréable. C'était donc « I love you, baby, please don't go ». Et je vous propose une dernière fois l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est « Time Takes Time » de Ringo Starr en 1992. Et voici cette chanson qui est aussi Beatlesienne, si on peut parler comme ça. Je trouve, c'est « What Goes Around » sur RIG. Le

album paru après sa mort, George Harrison, Brainwashed, c'est le nom de l'album. Et le titre du morceau que vous venez d'entendre, c'est The Rising Sun. On a presque terminé, il est 22h passé de 2 minutes, on prolonge un petit peu. J'ai encore 4 morceaux à vous proposer, dont celui-ci, tiré de l'album Chaos and Creation in the Backyard. On en a parlé il n'y a pas longtemps entre nous. C'est un très très bon morceau en 2005 de Monsieur Paul McCartney. Jenny Rain, il y a longtemps qu'on ne l'avait pas écouté dans la saga. La saga des Fab Four, c'est tous les mercredis 20h-22h, c'est l'émission spéciale hebdomadaire sur les Beatles. Like so many girls, Jenny Rain could sing, but a broken heart took a song away. Jenny Wren took wing, she could see the world and its foolish ways. How we spend our days casting love aside, losing sight of life. Breaking up a home, wounded warriors took a song away. D'une chanson qui avait été supprimée de l'album Somewhere in England de George Harrison. En voici une, Sat Singing. C'est surérigé dans la saga des Fab Four. Sitting as the noonday sun shines high up in a clear blue sky, while warming me I drift away. No memories of the times gone by. Yeah. Ooh. external world results from deep within my soul. Ooh. C'est la radio des Beatles. Come, when the sun shines, they slip in.

principe, c'est terminé. Mais vous avez envie d'écouter encore un morceau de Back to the Egg? Alors, lequel? Si on écoutait, par exemple, Winter Rose, et après, franchement, on arrête, parce que sinon, je pense que les vigiles vont venir me sortir d'ici. C'est histoire d'aller jusqu'à 22h30. Allez, un dernier morceau, c'est Winter Rose sur RIG. Bringing a rose for the winter. See you next time.